femme qui choisit destin. Nous, en moment pour nous faire rattraper, tout ça temps qui passait sans passer, en paroles vont souffler nous casser. L'amour grand, l'amour bel, l'amour plus fort, qui fait nous rester ensemble.